Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Elle Banger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble en presque direct pour deux heures d'émission. Pas mal de nouveautés pour ce soir, ça nous fait à peu près un tiers de la playlist et des nouveautés de ma foi fort grande qualité. Impaled Nazaren. Je suis bien content de voir le nouvel effort studio nous arriver tout fraîchement. Djevel, les Norvégiens. Nous avons également les crasseux finlandais de Ghastly et Au-delà pour la production nouvelle française. D'autres nouveautés qu'on présentera tout au long du fil de l'émission. Donc voilà, un début d'émission avec une doublette comme je les aime, bien brutale, bien extrême, avec en ouverture d'émission Impaled Nazaren, le groupe de Nuclear Black qui nous vient de Scandinavie, qui sort son 13e album studio. Les Finlandais sont toujours aussi ultra vénères. Hein, nouvel effort studio qui sort 7 ans après Vigorous and Liberating Death. Au passage, le groupe a un peu tristement fêté son 30e anniversaire l'an passé, parce que pas de gros concert pour fêter ça, pas de tournée des festoches malheureusement. Donc voilà, 2021, ils sortent un nouvel effort studio, 32 minutes pour 13 titres. C'est brutal, c'est rapidement expédié, c'est ultra énervé, c'est tout ce qu'on attend d'une production studio d'Impaled Nazaren. Aid Serpent, c'est une sortie sur le label français Osmos Productions, à paraître le 28 mai. Donc voilà, j'ai bien hâte de pouvoir me caler l'album dans les oreilles. En doublette avec Impaled Nazaren, les Anglais de Unfathomable Renaissance, extrait de leur nouvel EP Decanium Renae, qui est déjà... qui sort le 28 mai chez Willowtip. On ouvre l'émission avec une doublette d'avant-première en plus. Impaled Nazaren, God of Mendes, Unfathomable Renation, Disciple of Pestilence. Et bienvenue dans l'émission. Burning! Pour la suite, on attaque avec Evil, le groupe de trash qui nous sort son nouvel effort studio Unleashed chez Napalm Records. Hein. Rappelez-vous, ces dernières semaines, on a présenté les quelques remaniements de line-up au sein de la formation anglaise pour Evil. Et en doublette, bon là on aère un petit peu, carrément plus même, Tropic Murphys, le groupe de Irish Punk Hardcore qui nous vient de Boston, qui sort son dixième album studio Turn Up That Dial. L'album déjà dispo, c'est le dernier extrait qu'on vous diffuse. Un album, comme j'ai déjà dit, très très Irish rock et un peu moins dans les hymnes punk hardcore. Le titre de ce soir est assez soutenu en termes de rythme. Voilà, ça dénote un petit peu avec les titres qui étaient vraiment plus folk des dernières semaines. Evil tout d'abord pour le trash avec le titre Paralyzed. Dans la foulée, Dropkick Murphys, Mike Jones, Naked My Pudding. Vous allez voir, bon, c'est toujours ultra. Catchy, Dropkick Murphys. C'est parti. I owned all his records, he didn't even care. The least he could have done was share. Resentment is a killer, that's all you gotta know. To forgive a living legend is the only way to go. But he really wasn't sorry, I may have seen him laugh as he ate the tasty treat on my behalf. I, Mick Jones, nicked my pudding. And I said, I, Mick Jones, leave my pudding alone. La doublette suivante de l'extrême et de la crasse, tout d'abord Chandra qui nous vient du Bélarus, groupe de black metal qu'on a rentré dans la playlist la semaine dernière. La formation qui nous vient de Minsk sort son nouvel effort studio All Occupied by Thal Death. A noter que c'est leur première production longue durée. Voilà, Chandra, un album de très très grande qualité. Une sortie sur le label français 69 Mist, prévue le 28 mai, donc voilà, encore une petite avant-première. Et ensuite, Grève Miasma, très très très bon groupe de ce qu'on appelle le putrid death, hein. C'est un truc qui est aussi entre le doom death et le death vraiment old school, crasseux, avec un bon relent black. Ça nous vient de Londres, en Angleterre, c'est le second effort studio, intitulé Abyss of Wrathful Deities. Encore une prod hautement qualitative chez Grave Miasma. Une sortie sur le très bon label Dark Descent Records. Chandra, tout d'abord, on va s'écouter le titre de l'album All Occupied by Thal Death. Grave Miasma, ensuite Guardian of Death. C'est parti. Vous êtes toujours à l'écoute d'Hellbanger Radio Show, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On déroule tranquillou l'émission, la playlist internationale, avec une petite pause dans l'extrême, le temps de s'écouter un nouvel extrait de le cinquième album à paraître pour Herman Frank, bien sûr ex-guitariste de Accept. On est sur du pur heavy teutonique. Two for Lie, c'est le nom de ce cinquième effort studio, une sortie FM Records. Et dans la foulée, une autre nouveauté, Djevel, formation norvégienne. On est sur du pur black norvégien d'inspiration directe Emperor. Le groupe s'est formé, est actif depuis 2009. Une solide discographie, hein, puisque là c'est déjà le septième album à paraître. Des titres assez longs, entre 10 et 12 minutes, pour seulement 6 titres sur album. Donc voilà, des compos brutales, épiques, glaciales, enfin vraiment comme je disais tout à l'heure, dans la pure tradition du black norvégien d'inspiration Emperor. On a même quelques petites parties de guitare acoustique qui permettent de ralentir un peu le tempo et de respirer. Au niveau du line-up, le Zikos connu, c'est bien sûr Faust, cogneur chez Emperor, actuel ex-Emperor d'ailleurs, parce qu'il semblerait que le groupe se reforme une fois de plus le temps de quelques concerts. L'ami Sylvain a été plutôt coolos avec moi, puisque le groupe norvégien nous sort des titres de morceaux à putain de rallonge en norvégien. Voilà, à noter que le titre qu'on vous diffuse ce soir, c'est une version éditée. Le titre normalement fait plus de 11 minutes, et là on en diffusera un peu plus de la moitié, 6 bonnes minutes. Pour rappel, quand vous écoutez l'émission, donc du coup on a les titres qui sont les plus longs, qui sont recoupés, hein, un petit edit radio, et pour les avoir en intégralité, eh bien, tout simplement vous avez possibilité d'écouter ou réécouter l'émission via notre lecteur sur le blog, vous appelez Hellbanger Radio Show sur Blogspot, et vous avez toutes les émissions passées qui sont accessibles, donc voilà ce qui vous permet d'écouter, réécouter ou même télécharger l'émission. Et sous ce format-là, les titres les plus longs sont en intégralité disponibles. Herman Frank, le titre Venom, Djevel, Narman and Formorker, entre autres. Et le nouvel album s'intitule Tankersome Ritnighten. Il est déjà disponible, c'est parti. You are my way. Survive. pour ceux éventuellement qui nous découvrent ou qui nous écoutent que occasionnellement, on n'a pas que de la diff internationale, aussi on a au milieu de la prog une séquence 100% hexagonale avec des productions qui nous viennent des cinq coins de la France et on entre tout juste dedans. Gojira tout d'abord pour ouvrir cette séquence franco-française avec un extrait de leur nouvel effort studio Fortitude déjà disponible et qui explose tout en termes de stream, de vente, enfin voilà, Gojira tape très très fort avec ce nouvel effort studio. Et dans la foulée, on s'écoutera un extrait de l'EP bien vénère des franciliens de Sorcerer. L'EP s'intitule Joy, on s'écoutera le titre de l'EP. Et on s'écoutera le presque déjà tubesque Amazonia de Gojira juste avant. C'est parti. Le gros avantage de l'aspect français, c'est qu'on a l'occasion de diffuser des groupes qui proposent un folklore ou des anecdotes, etc., qui sont parfois très proches de nous, comme ce nouvel effort studio des Bretons de Internoz, qui nous sortent un album purement ligérien. Il s'appelle Au fleuve de Loire, pardon. C'est donc un album concept dédié au grand fleuve qui notamment traverse la Touraine. Une sortie sur le label Antique Records. Le titre qu'on vous diffuse ce soir, À cul de grève, est une version édite, je le rappelle encore une fois, que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre diffusion sur le blog à partir de demain soir. Le titre de ce soir fait plus de 9 minutes. On en diffusera 7. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Donc, au-delà du fait que c'est ultra quali, c'est un titre sur lequel on retrouve 3 guests au micro. Spellbound, vocaliste d'Auriac Jourpal, Cervantes de Darkenhold et Gero du groupe Borgia. Voilà, un titre particulièrement epic folk, toujours sur fond black metal, hein, bien évidemment, pour Internoz. Et en doublette avec Internoz, The Lost, excellent groupe de revival heavy français. Mystery of Death, c'est le nom de leur nouvel effort studio. Et on s'écoute le titre Tattoo the Child. Internoz enchaîné à The Lost, c'est parti.